Non, pas souvent. Pas souvent, c'est normal, hein. En général on a peur. Hein, donc, Oui, ça fait mal, on souffre. Oui, ça fait mal, effectivement. Tof, c'est de quoi il parle. Ah oui, je te confirme, oui. À mon avis, il a dû pas mal être épilé à la libre antenne, je pense. Ça devait être le co. D'innombrables fois. Voilà. Si tu savais les endroits que je me faisais épiler. Dont une partie très intime faite par M. Pokora lui-même. Oh non, vous avez pas fait ça. L'arrêt des fesses, pour être précis. Ah, voilà. Ça devait être horrible. Ah oui, dans tous les sens du terme. Hein. Donc t'as des poils dans l'arrêt des fesses, mais c'est dégueulasse. Ah oui, dégueulasse. Bah oui, mais ça, c'est comme un peu comme tous les mecs. Hein, ouais. Non, pas le mien. Bon. Et parce que lui, il s'épile également. Non, parce que le mien est parfait, c'est différent. Ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, j'avais oublié que c'était un androgyne. Alors, non. Attention. Attention, le concept, donc petit-déj express, t'offre un plateau avec 10 objets de petit-déj. Enfin, pas vraiment un petit-déj, plutôt, ce soit aujourd'hui. Mais bon. C'est des petits-déj spéciaux. Ouais, c'est ça. Donc, il y a 10 objets. Mexicain. Il va tourner, il va faire le tour du studio en courant. À ton avis, à son retour, combien d'objets restera-t-il sur le plateau? Zéro. Ah ben oui, bon, en général c'est ce qui se passe ces derniers jours. Ouais. Mais attention, il s'améliore, même si c'est toujours un drame, mais il va de plus en plus loin. Petit à petit, il s'entraîne forcément. C'est vrai. Allez, on y va, 3, 4, c'est parti. Attention. Alors, il fait le fameux virage. Mais maintenant il fait les trois quarts du studio. Ouais, non, mais un jour il va y arriver. Mais là, de nouveau, ce fameux virage. Ouais, j'étais pas loin là. Je pense. Ouais, j'étais pas très très loin. Ouais, non, ouais. C'est vrai, t'as j'étais belle à amélioration. Un mètre de la fin là, et tout était sur le plateau encore. Ah, non, mais. Trois quarts du studio fait, donc vous étonnez pas que lundi il y arrive. Hein. Ah, oui, non, moi ça, je pense que. On sait jamais. À mon avis, dans quelques semaines. Ouais, peut-être aussi. Pas non plus être trop optimiste. Bon, et ben bravo à toi en tout cas. Le cadeau arrive chez toi très rapidement. Je te repasse au standard, d'accord? D'accord, merci. Je te fais des gros bisous, passe une bonne journée. Bah vous aussi, au revoir. Merci, à bientôt, ciao. Et puis restez bien là dans un instant. Donc la chanson, la petite parodie du morning, ça va arriver évidemment. Et puis on parlera du trafic ainsi que de la ligne anti-relou. Restez bien là, il est 8h44 sur Fun Radio. Bon réveil. Mickaël à la radio. C'est Homer Simpson sur Fun Radio. Alors comme ça, tu crois pouvoir réveiller tout le monde, hein? Eh ben essaye de me réveiller déjà, excuse tes petits. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, pour un monde sans relou, on est là chaque matin. Mais ça n'arrive pas. Déjà, il y en a deux dans la même pièce, Julie. Oui, ça c'est vrai, je suis entourée de beaux relous là. Je parlais de toi et Tof. Hein. Ah non, moi je parlais de toi. Et... Ah tiens, ça c'est bizarre, on n'avait pas la même vision, tiens, c'est bizarre. Non, bon, la ligne anti-relou, c'est chaque matin. Numéro à bien retenir par cœur, surtout avant d'aller en soirée. 0473 86 0013. Vous gardez ce numéro en tête, vous le mémorisez comme si c'était le vôtre. C'est un petit peu le vôtre d'ailleurs aussi. Et quand un relou débarque pour avoir votre numéro de téléphone et qui vous saoule toute la soirée, à la place de lui donner votre numéro, vous lui donnez le nôtre. Donc du coup, bah, nous on récupère les messages et on les écoute chaque matin à 7h15, 8h15 et 9h15. Écoutez le premier. Si vous comprenez le morse, n'hésitez pas à nous dire ce qu'il dit. Hein. Martien débarque. Mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Je ne connais pas cette langue, mais si vous la connaissez, hein, vraiment... n'hésitez pas à nous aider à aller nous coucher moins con ce soir. Hein, 30-44, hein. Je ne vois pas ce que ça veut dire. Ah non, on pense à du morse, mais on n'est pas sûr. Bah, il y a le bip derrière qui aide. Après, la langue en elle-même, je ne vois pas. Je ne sais pas. Est-ce vraiment une langue, ça, Oui, c'est un autre problème. Peut-être un patois, je ne sais pas. Bon, deuxième relou de ce matin, enfin, deuxième mongol de ce matin. Allô ? Bonjour, mon frère. Allô ? Mon frère ? Bonjour, mon frère. Bonjour. Allô. Allô, mon cœur. Mon cœur. Allô. Allô. Voilà, donc ça c'est. Allô, mon cœur. Mais oui, c'est ça, oui. Ah non, mais attends. Mais c'est surtout que c'est la ligne anti-mongole ce matin. Ouais, hein, non, mais c'est surtout ça. Mais attends, les mon cœur, mon amour, alors que tu t'es. Enfin, tu vois, on s'est rencontrés une fois dans notre vie, il faut arrêter, quoi. Et, bah, c'est ça, en fait. Hein, le mec, c'est relou et mongol. Celui-là, il fait les deux. Ah, non, celui-là, c'est un jackpot. C'est un duo. Ah, on nous dit que c'est de l'albanais, a priori. Ah bon, d'accord. Ah bon, merci. Est-ce qu'on va avoir la traduction de ce qu'il laisse comme message? Ça nous ferait plaisir. Ça serait pas mal. Et troisième message, écoutez bien. Vous me rappelez au 0474 pour régler le normal à voir ça, c'est bien. Voilà, encore un autre mongol, hein, avec son numéro de téléphone directement. En fait, il laisse direct son numéro et puis il raccroche, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, okay. Pas de bonjour, ce serait quand même sympa qu'on se revoie. Oh, bah, perdons pas N'hésite de temps. N'hésite pas à me rappeler à ce numéro. Non, on n'est pas là pour perdre son temps. Ne perdons pas de temps, effectivement, ouais. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio.